Robert, si je ne me trompe pas, qui est le premier adjoint au maire du 13e arrondissement de Paris, en charge de la démocratie locale et des finances. Donc, il me fait plaisir d'être là. Et d'ailleurs, peut-être que le programme va un petit peu changer pour qu'on puisse l'accueillir en temps et en heure. Bah, Eva, je ne vais pas être plus longue, je te laisse du coup introduire le workshop. Bon bah déjà, merci beaucoup à tous d'être là. Je vois beaucoup de visages connus, ce dont je suis très contente, mais aussi beaucoup de visages inconnus, ce dont je suis très contente aussi. Merci aussi à Béton Salon, à Garance, à Barbara, qui m'ont aidé à organiser ça, et aux participants du workshop, et aux participants qui sont pas tous là ce soir, mais pour partie là. Donc, ce workshop qu'on a commencé en octobre et pour ma part en juin, puisque j'ai commencé à participer à mon propre workshop à partir du moment où Béton Salon m'a invité à faire un workshop, est lié bien sûr, puisque c'était la demande à l'exposition, que vous avez peut-être vu ou peut-être pas vu, peut-être lu des choses sur l'exposition ou pas du tout. Donc, j'en dis un petit mot quand même. Donc, c'est une exposition, pour résumer ça, de façon un petit peu. Bref, réductrice qui considère que voilà, on vit dans un monde déjà du désastre, déjà de la catastrophe, ça va pas écologiquement, socialement, économiquement, voilà. Et comment on pourrait regarder cet état de catastrophe, de désastre, d'où le titre, autrement. Alors autrement, soit en regardant différemment dans le temps, soit en regardant un autre point de vue, si on se met du point de vue de l'animal, si on se met ailleurs géographiquement, si on se met dans la science-fiction, en se déplaçant. Comment on pourrait voir cet état d'être, de vivre dans un monde qui ne va pas. Donc, en réaction à ça, moi, j'ai proposé un workshop où j'ai essayé d'appliquer cette question à notre quotidien, vraiment le plus quotidien, donc les situations de notre vie courante, ce qu'il y avait chez nous, dans notre assiette, au bas de notre rue, dans notre quartier, les choses le plus proches possible de nous, et de regarder comment on nous proposait dans notre quotidien et environnement immédiat des façons de mieux vivre, justement, de vivre dans un monde meilleur. Quel discours on avait autour de ça? Et moi, précisément, par exemple, j'ai travaillé dans mon quartier, dont je vis dans le 18e, sur tout le programme de la mairie du 18e depuis 2 ans, qui s'appelle Végétalisons notre 18e, qui dit que le bien-être des habitants passe en partie, voilà, qu'un monde meilleur dans le 18e passe en partie par le fait d'avoir plus d'espace vert. 1 mètre carré d'espace vert par habitant, ce qui est la recommandation de l'OMS. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un énoncé sur comment lutter contre la catastrophe qui serait le béton, la pollution, la saleté dans le 18e. C'est un énoncé parmi des centaines d'autres qu'on a à Paris ou ailleurs sur comment on pourrait mieux vivre la catastrophe. Mais bon, c'est un énoncé qui vient de quelque part. Est-ce qu'on l'a décidé? Est-ce que c'est nous? Comment nous on le perçoit, voilà, à partir de toutes ces questions, j'ai essayé de travailler moi, sur cette histoire de la végétalisation. Et j'ai invité donc les participants du workshop. Alors pour les entre guillemets recruter, j'ai fait une première réunion, qui est tout simplement une conférence, un format assez classique en octobre ici, où j'expliquais voilà moi mon début d'enquête que donc, j'avais commencé en juin, juillet, août, septembre, sur les jardins du 18e, et puis ce que je vous explique là, et donner aussi des livres, des références, enfin bref, voilà, c'était une discussion ensuite, après la conférence, et donc il y a une dizaine de personnes qui ont voulu poursuivre, donc poursuivre, ça s'est passé par des échanges de mails, par des réunions informelles qu'on a eues régulièrement pendant ces 4 mois, par des coups de téléphone, des Skype, diverses formes de communication selon la distance qu'il y avait entre nous et les moyens de possibilité de chacun. Et ça a donné lieu donc à d'autres projets. Alors sur la dizaine de personnes, ce soir vous allez voir 5 projets en plus du mien. Donc en tout 6 projets. Il y a des personnes qui n'ont pas souhaité présenter leur projet ce soir, qui ont préféré rester au stade de la discussion, d'autres qui ont abandonné le workshop en cours. Donc voilà, donc sur les 10 personnes, ce soir vous allez voir 6 projets. Je vous dis un mot de chacun de ces projets, un petit peu dans l'ordre du programme de ce soir. Donc on va peut-être un petit peu changer parce que l'adjoint au maire vient à 19h et peut parler à 19h, donc on verra. Mais bon, je suis l'ordre qui était prévu. Donc tout de suite, ça va être Jean-François Beauclet, qui est à ma droite, qui a travaillé sur... alors là, précisément, en fait, le mobilier urbain et comment le mobilier urbain pouvait être vecteur de ce type de phrase comme... si on avait 1 mètre carré de verdure, maintenant on serait plus heureux. Et en l'occurrence, c'est un mobilier urbain qui promeut un certain mode de vie ou qui occupe l'espace pour gérer en fait des situations qui semblent problématiques à la mairie ou aux riverains d'un lieu. Donc en l'occurrence, c'était l'esplanade Nathalie Sarraute, sur laquelle il y a eu un moment des campements de migrants et qui, quand ces campements ont été évacués, a vu... Alors déjà sur l'esplanade Nathalie Sarraute, il y a un certain nombre déjà de mobilier urbain qui est vraiment très lié à une certaine esthétique de la ville, à certains discours, les bacs à fleurs, les tables, etc. Mais là, il y a eu un manège dont Jean-François va vous parler, qui était un manège qui avait un rôle assez précis selon lui et qui prenait une place dans le paysage qui donnait aussi à l'idée de ce que pouvait être, ce que devrait être et pour qui l'effectif de cette place, qui est ce sur quoi Jean-François a travaillé. Donc il y a un petit rendu de son projet qui est au sol là-bas et puis il va nous en parler ensuite. Charlotte Victoire, qui est en face de moi, a travaillé, elle, en fait, plus directement sur cette question de l'énoncé même, puisque que j'ai, par exemple, voilà, un mètre carré de verdure pour chacun, vraiment ce type de phrase même qu'on avait, qui nous disait comment on pourrait mieux vivre. Voilà, si tu fais ça, tu vas mieux vivre, c'est vers là que ton mieux vivre. Donc elle a travaillé sur ça, elle a collecté un certain nombre de phrases, elle en a fait une pièce sonore, et elle a aussi travaillé beaucoup sur comment le son était un moyen de véhiculer ce type d'injonction à mieux vivre, enfin d'orientation à mieux vivre, comment le son était un médium pour nous les communiquer. Et donc elle a fabriqué elle-même de A à Z des haut-parleurs, et elle va tester ce soir pour la première fois ces haut-parleurs qu'elle a fini tout à l'heure avec cette pièce sonore qu'elle a créée. Et en même temps, elle nous parlera de ses recherches sur le son et sur l'utilisation du son pour véhiculer des énoncés plus ou moins directifs, plus ou moins publicitaires, plus ou moins totalitaires. Recherche qu'elle a menée en parallèle de la construction de ces haut-parleurs. Ensuite, donc, on a Patricia, qui est à ma gauche, qui elle a travaillé sur le budget participatif, par exemple. Le budget participatif qui se veut vraiment un outil que la mairie donne, a fourni aux citoyens, pour précisément agir sur ce qui ne va pas dans leur environnement. Vous n'aimez pas votre rue, eh bien, vous avez les moyens, par le budget participatif, de faire telle ou telle chose pour qu'elle soit vous plaise plus. Vous avez le moyen de créer tel équipement qui... Voilà, c'est finalement l'idée de prendre les rênes de ce monde meilleur à se créer très directement, et par le budget, et par les élus, par la politique, etc. Donc elle a travaillé sur ça, sur l'histoire du budget participatif, elle va en parler aussi, et donc elle a invité, qui va venir tout à l'heure, l'adjoint au maire du 13e, qui est en charge de ce budget participatif notamment, donc à qui on pourra poser des questions très directement sur comment ça fonctionne et le sens que ça a aussi pour lui en tant qu'élu politique, etc. Bon, nous, on a un certain point de vue aussi là-dessus, on a beaucoup discuté entre nous, mais bon, là, l'idée, c'est d'avoir des réponses de la part de cette personne-là directement, et c'est pour ça qu'on l'a invité, ce que je trouve très bien qu'il ait accepté. Ensuite, on aura un banquet qui a été préparé par Chloé Roubert, qui n'est pas là parce qu'elle est à l'étranger en ce moment, qui, elle, a réfléchi à comment, dans notre nourriture, on avait toutes ces injonctions à vivre mieux, en mangeant sainement, en vivant sainement, à vivre plus heureux, à vivre dans un monde meilleur. Comment ça passait aussi par la nourriture. Et donc, elle a un projet que je vous expliquerai tout à l'heure quand on passera au banquet, sur qui cherche par une façon un peu, qui pourrait paraître agressive, en l'occurrence de faire manger de la viande de cheval, qui est quelque chose aujourd'hui qui paraît assez difficile, etc., pour questionner ces rapports qu'on a à la nourriture et aux injonctions sur le bien-être par la nourriture. Voilà, donc j'ai cuisiné cet après-midi un pot-au-feu de cheval, une recette de 1870 qui a été créée pendant le siège où il n'y avait plus que des ânes et des chevaux à manger. Donc vraiment une recette à faire avec les moyens du bord que j'ai fait donc avec ce qui se trouve à mettre en salon. Mais ça devrait être tout à fait mangeable et bon. Et voilà. En tout cas, vous pourrez tester tout à l'heure. Et voilà pour les choses dans l'ordre de la soirée. Après, entre guillemets, on continue de façon plus libre et quand vous voulez. On a Servan Varnes qui est en face de moi, qui a installé cet espace là-bas, casting, où elle cherche à recruter des performeuses et performeurs pour un travail qu'elle a mené sur, alors cette fois-ci, l'idée de l'utilisation, ça rejoint pour partie le travail de Jean-François, de l'art dans l'espace public comme moyen aussi de vivre plus ville, plus belle, plus heureuse, etc. Les discours qu'on a sur ça, comment l'art est utilisé pour ça, voilà. Et on va aussi vous pourrez aussi, alors ils sont situés là, répondre à ce petit questionnaire qui est une collecte d'injonctions qui est faite par Charlotte Victoire pour nourrir à l'avenir son haut-parleur. Voilà, Et là, elle vous en parlera aussi tout à l'heure quand elle prendra son charge, mais je vous le dis tout de suite pour un peu situer dans l'espace qu'il y a. Et en dernier lieu, qui est en face de moi, vous êtes invité à vous servir de ce fanzine qu'on a fait voilà, vraiment avec les moyens du bord aussi, donc avec une photocopieuse et un tampon, qui est le numéro 1 d'un fanzine qu'on va poursuivre. Donc pareil, si vous voulez laisser votre adresse pour être tenu au courant des prochains numéros, où chacun est dédié au projet que je viens de vous présenter, qui continue dans le temps. Le workshop est fini avec ton salon après cette date aujourd'hui du 29 et du 30 où l'expo ferme, mais on a envie de continuer, donc on va se retrouver et les fanzines vont continuer à sortir. Ce fanzine numéro 1, c'est une nouvelle que j'ai écrite qui s'appelle « Qui sont mes ennemis ?», qui est compte rendu vraiment très personnel et sous forme de journal de ce parcours que j'ai fait dans le 18e autour de la question des jardins et de la végétalisation. C'est un résultat de, disons, mon enquête, mais extrêmement personnel, que je vous invite à lire du coup chez vous. C'est ça que je l'ai mis dans des enveloppes fermées. Voilà, mais vous pouvez l'ouvrir ce soir. Oui, d'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. C'était pour maintenir un certain seuil d'intimité que j'ai mis dans des enveloppes, mais il n'y a pas de problème, il est là. Et voilà. Donc, fini pour moi, Jean-François. Et si vous avez des questions, tout cela, on n'est pas beaucoup. Vous pouvez pas de vidéoprojecteur. Il n'y a pas de vidéoprojecteur. Voilà. Ah, le micro. Comme vous voulez. Ça allait sans micro, oui, ouais, ça va, je crois. Bonsoir. Ben voilà, il y a une dimension de mon projet qui est au sol. Comme beaucoup de ce que je fais d'ailleurs dans mon travail de plasticien, ça se joue beaucoup au sol, ça monte jamais très haut, et c'est pour ça là je suis arrivé en dernier, voilà, c'est l'accrochage, je disais tout à l'heure, le plus court de ma vie, une minute, voilà, j'ai bossé dessus toute la journée, et il y a une dimension qui est là et qui ne va pas être dans ce que je vais vous dire là, c'est qu'aujourd'hui finalement je ne pensais pas, j'avais beaucoup travaillé pendant tout au long du workshop, et même puis en amont sur cette histoire à la rue Pajol, puisque j'habite la rue Pajol, ça a été ma vie, comme ceux de plein de gens. Hein, et donc j'avais collecté des images depuis longtemps, et là j'ai recollecté, mais orienté autour de, en travaillant beaucoup la question de la dynamique de l'espace public qu'il y a eu rue Pajol avec le jardin partagé, parce qu'au même endroit, en fait, les 10 migrants, 10 réfugiés se sont installés dans le jardin partagé, voilà, et gentrifié. Et donc j'avais collecté tout ça, mais j'ai orienté une recherche d'images que vous verrez là, plus particulièrement. Et là, il y en a 4, et j'ai écrit aujourd'hui, voilà, j'ai pris le temps aujourd'hui, j'ai voulu écrire une espèce de légende, pas peu journalistique, pour chacune. Donc vous les verrez là. Et voilà, donc ce projet, en fait, je vais envoyer commencer par envoyer un courrier demain à monsieur le maire de mon arrondissement, pas du premier, du 18e, monsieur le maire Éric Lejoindre. Je vais mettre une copie à monsieur Michel Néreneuf, chargé de l'urbanisme, de l'architecture, des grands projets et renouvellement urbain et du logement. Voilà, en leur proposant, en tant qu'habitant de ce quartier, qui est ce qu'ils ont appelé depuis 2013 un éco-quartier. C'est l'éco-quartier. Alors, on a eu des trucs dithyrambiques. En fait, ça a été un énorme projet de la mairie de Paris, en termes financiers, en termes idéologiques, en termes de sens, en termes de com. Ça a été un gros, gros, gros poste. Et par exemple, sur les... Bon, après, par exemple, c'est la première couverture de Paris, hein, de panneaux solaires. C'est un ancien... En fait, ça se passe autour d'un ancien... un bâtiment de la SNCF, un garage pour locomotives, qui est le long de la gare de l'Est, des rails, Max Dormoise. Max Dormoise, en fait, on est dans un drôle d'endroit entre les rails de gare de l'Est, Gare de l'Est, on est dans un triangle du Bermude, et Gare du Nord. Et là, c'est la chapelle. Oui, c'est ça, hein, je crois. Ou c'est dans l'autre sens. Enfin, je suis un peu... Voilà, soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. C'est un triangle. Et donc, là, on avait cette immense... il y avait cette chose-là qui ne servait... qui était un immense atelier d'artiste, qui servait à rien, en fait. Oui, ça servait strictement à rien. Parce que ça ne bénéficiait qu'à un seul artiste, mais c'était des milliers de mètres carrés. Enfin, voilà. Donc, ils ont fait cette chose-là en mélangeant, parce que c'est les socialistes, ils ont mélangé entreprise et puis écologie, bibliothèque Aimé Césaire, centre sportif Vaclav Havel, voilà. C'est une espèce de mix comme ça, avec aussi beaucoup de bars ultra bobos, mais dont un parmi les plus bobos de Paris. On ne s'attend pas à ça, Max Dormoy, mais c'est... moi, quand je suis arrivé là, c'était la zone. J'ai des amis, dont certains pourraient être parmi vous, ils ne venaient pas. Je me dis, moi, je ne viens pas dans ton quartier. C'est pas Marcadet, quoi. C'est pas tranquille. Voilà. Et donc là, ils ont inscrit cette chose-là avec énormément de moyens, et avec l'écologie, avec énormément de choses. Et donc, c'est dans cet endroit-là, comme un retour de quelque chose, que se sont déplacés les réfugiés et immigrants qui étaient sous les voies de chemin de fer à la chapelle. Ils se sont installés là. Et moi, d'emblée, je me suis posé cette question. Je me rappelle, j'ai 44 ans, donc j'ai déjà un petit parcours par rapport à ça, aux luttes de certaines communautés, comme par exemple les communautés de gays, de séropositifs. Et l'idée, c'est, si je me montre, si je me mets en plein dans l'espace public, là, je vais avoir un poids. Si je vis caché, si je ne dis pas, tout peut se passer. Voilà. Et donc, en fait, d'une certaine façon, ils se sont mis là où ça dérangeait le plus et surtout là où ça se voyait le plus. En plein territoire bobo, Boboland, un projet, une utopie dont ne bénéficient pas tellement les anciens habitants de mon quartier. Hein. C'est vraiment les nouveaux habitants bobos, parce que les anciens habitants, ils sont là. Et les nouveaux, ils sont dans les bars. C'est assez amusant à voir. Le soir, vous passez, vous avez les bars, deux, trois comme ça. Et autour, après, quand je dis les habitants, c'est les nouveaux habitants. Hein, les nouveaux habitants, ils touchent à tout, ils font tout. Les anciens ou des classes populaires, comme on peut dire mal, ils vont utiliser l'espace public autrement. Ils vont s'asseoir sur un clos avec une canette ou deux, ou pas, un vélo, et ils vont passer la soirée comme ça. Voilà. Et ces deux mondes, ce quartier, c'était déjà deux mondes qui vivaient ensemble. C'est un monde en voie de gentrification avant la séparation. Et sont arrivées ces personnes d'encore plus loin, parce qu'on est là dans le lointain, d'encore plus loin. Et là, ça a posé visuellement, c'était costaud de voir que rien n'a changé du côté, mais c'est pas que j'en veux au bar bobo, hein, mais strictement rien n'a changé dans la pratique du lieu, des lieux, de cet endroit, rien, flagrant. Les mêmes foules pour le dimanche, le soir, etc. Donc voilà, il y avait toute cette ambiance, et puis voilà, donc ce projet, et en fait, oui, pour l'avoir vu, au-delà de tout jugement qu'on peut avoir pour cet espace, quelques jours, c'était vraiment très très étonnant, la juxtaposition des phénoménal. Activités, parce qu'en plus, ouais, c'est un lieu qui a voulu être une concentration d'activités, même dans l'espace lui-même, entre les gens qui viennent faire du sport. Une espèce de mixité, un projet, une utopie de mixité aussi, c'est une complétude. En effet, il y a une convergence des gens, mais il y avait des sortes de superpositions d'images qui étaient très étranges pendant quelques jours. Tu vois, et moi, en écrivant là aujourd'hui, j'ai vraiment pensé à ça, la question du... Alors, c'est pas tant le retour du refoulé, parce que le refoulé, c'est pas grand-chose, hein, c'est le retour d'un déni, le retour de quelque chose d'actif du côté de l'effacement. C'est pour ça que je parle d'un manège à expulser surtout du côté de l'effacement. Et le retour, c'est que c'est... J'ai perdu le fil par rapport à ce que tu disais. Redis la dernière phrase que tu disais. Tu as oublié déjà ? Je sais plus, il faut que j'aille mélanger mon poteau. Va mélanger. je vais retrouver. Je vais, donc vous verrez ça, et je vais vous montrer un peu sur ce quartier. Là, je vais vous parler de ce quartier. Alors, j'ai googlé pour préparer cette petite intervention, mais je pensais avoir... mais c'est bon comme ça, j'ai pris des précautions, j'ai fait des images. Donc, j'ai googlé... qu'est-ce que j'ai googlé ? Genre Zach Pajol, quelque chose comme ça. Et là, c'est des images que je connaissais, j'avais déjà pas mal travaillé là-dessus avant. C'est les images qui ont été faites, parce qu'en fait, on a eu droit à des cabinets d'urbanistes et aussi quand même une grande agence de paysage en France qui s'appelle In Situ, qui est basée en province, qui a fait une centaine de grands projets en France. Et ils ont fait, derrière la Zach Pajol, vous avez dit à l'aller, moi c'est un des plus beaux jardins que j'ai vu, un jardin contemporain à Paris. Il est franchement réussi. C'est vide, mais réussi. Et il est derrière ce bâtiment. Et donc, sur Internet, on a une espèce de prolifération comme ça, comme des personnes ou des matelas ont proliféré, mais là aussi ça prolifère. On a une prolifération de ces images comme ça qui transportent cet imaginaire. Et regardez bien le public qui a été prévu. Oui, par exemple, le retour du refoulé. Hein ? C'est pas assez... Non, clique. Ah, non, c'est pas Internet. Ah, d'accord. C'est une image. D'accord. Alors... Attends. Allez, voilà. Vous voyez, ça, c'est la Zach Pajol, l'ancienne architecture. Ça a été vraiment bien réhabilité. Là-haut, on a tous les tubes solaires. Et regardez bien le public type qui a été pensé par les urbanistes. Ce sont des blancs. Plutôt bien... Voilà, ils ont des sacs, des vêtements à peu près neufs. Et voilà. C'est assez marrant pour le quartier Pajol, quand même. Parce que qu'est-ce que c'est que ce quartier ? Alors là, je reviens un peu à l'histoire. Moi, quand je suis arrivé, j'ai appris l'histoire de mon quartier avec les taxis. Je prends pas mal les taxis parce que je bouge beaucoup. J'ai une sciatique, donc voilà. Et des anciens chauffeurs de taxi, des vieux me disaient, des anciens, ils me disaient, mais en fait, ce quartier, on le connaît bien, nous, les chauffeurs ou les taxis, parce qu'on venait s'y amuser. C'est l'endroit où avant, il y avait les derniers maraîchers à Paris. Et il y avait aussi les bars un peu bizarres. Où on buvait les mauvais alcools, on buvait les trucs illégaux, il y avait peut-être de la prostitution. En fait, c'est des endroits de plaisir parisien. Voilà. C'était pas Montmartre, c'était pour le peuple. Et ça s'est transformé, c'est-à-dire qu'à un moment, on sait ce qui s'est... Voilà. Les populations... Bon, je... Les populations... La banlieue s'est ouverte avec des projets bizarres qui ont été à un moment une utopie. Comme ça, c'est une utopie. Venez, donc ça a attiré Paris, s'est vidé d'une partie des couches populaires, disons, blanches, ils sont partis. Et le quartier était un peu dans une bizarrerie. Je sais que moi, quand je suis arrivé, il restait les dernières personnes blanches qui n'avaient pas les moyens de partir, les plus pauvres des plus pauvres. Parfois des cadres, des alcooliques. Enfin voilà, c'est ça ce quartier. Et puis sont arrivées des populations asiatiques. D'abord, dans l'imaginaire aussi pour Paris, Max Dormoy, La Chapelle, ça a été beaucoup la toxicomanie, avec des éléments réels, hein, et puis pas n'importe laquelle, le crack. Bon, moi je le vis au quotidien, tout ça. Hein, et ça continue, voilà. Non, mais c'est, voilà, dans l'imaginaire, c'est ça. Mais ça, bon, ce sont des usagers qui viennent parce qu'on a des lieux, le sleeping, des lieux de substitution. Et puis après, le quartier Marcadet-Poissonnier, le quartier noir, vient vers nous parce qu'il est trop petit. Nous, on les accueille les bras ouverts. Et le quartier La Chapelle avec les Sri Lankais, il vient vers nous et on les accueille. Et voilà ce que c'est que Pajol. Et voilà ce qu'ils nous pondent comme dessin. Donc, moi, je ne m'étonne pas... Ça correspond aussi à une réalité des populations qui subissent la gentrification blanche, qui vont vers ces quartiers aussi parce que pour avoir des surfaces plus grandes, etc., qui n'ont pas le choix non plus. Enfin, c'est aussi... Oui, dis-moi. Non, je dis c'est aussi une réalité que par ailleurs, d'autres Parisiens blancs sont aussi poussés vers d'autres quartiers. Ah oui. Ah oui. Par plus riches qu'eux. Oui, voilà, en ayant pas le choix. Oui. Et c'est à ces gens-là que s'adressent ces projets-là aussi. Oui, oui, non, c'est ça. Mais quand je dis bobo, c'est... Enfin, mon quartier, c'est pas les Abbesses, hein. C'est petit bobo, hein. C'est petit bobo. En plus... Et je me méfie aussi beaucoup de cette Oui, oui. Et par le FN. Non, par non. Oui, et, oui, là, Eva, je suis. Voilà, on est entre nous. J'ai mis, je ne veux pas faire ça depuis tout à l'heure, des guillemets, mais je. J'ai pas fait un texte trop. Voilà, donc j'utilise ce mot, vous comprenez ce que ça veut dire, tout bêtement, et voilà. Et... C'est une réalité esthétique, d'accord. Non, allez. Non. Oui, c'est ça, oui. Ben, ça fait partie, oui, le marché de l'olive, oui, ça fait partie des épicentres. Ça a commencé avec le marché de l'olive qui a été inauguré par Bertrand Delanoë. Et c'est important pour le... Ben, d'ailleurs, la mairie, puisqu'on on parle de ville, de structure, d'urbanisme, il faut savoir que le 18e, ça a été Vaillant. Pour le meilleur et pour le pire. Vaillant, ça a été un pont du PS et un pont de... Parce que quand même, ministre de... quand on est ministre de l'Intérieur, c'est quand même pas rien. Hein. On est là pour... voilà, on tient tout, hein. On tient tout le monde. Et il y avait quand même, c'était Monsieur 18e, très libre. Donc, en fait, via lui, un ancien du gouvernement, le 18e a eu des financements. Peut-être plus que le 19e ou autre. Et c'est vrai que ça a d'abord commencé par le quartier de l'Olive, qui a donné ce côté champêtre. Et après, la ZAC Pajol. Je suis là depuis peut-être 17 ans. C'est 15, 16, 17 ans, ouais. Et je disais, par exemple, toi qui habites un peu Marcadet, je ne sais pas si vous vous rappelez, le projet quand même de Vaillant qui avait été de transformer Marcadet. C'est-à-dire de prendre tous ces noirs et de les mettre, peut-être, je ne sais pas, porte d'Aubervilliers, porte de ci, porte de ça, pour gentrifier ce quartier. Le blanchir. Ah, moi, c'est... Ah, ça a été direct, là. Ça a été... Bah, ce monsieur est rentré dans une case pour moi et le PS avec, hein. Ça a été... C'est bon. Parce qu'on l'a laissé... Voilà, on l'a laissé dire ça. Mais... Et enfin voilà, voilà le projet, mais là on se croirait, je sais pas, à Bordeaux, sur les quais de, je sais pas si c'est la gare. Non mais c'est vrai, on est pas à Pajol là, c'est Juppé, voilà. Et ça, c'est intéressant, tu vois, Écopolis, il y a des choses comme ça. Puis l'épisode des migrants était quand même hyper violent. Ah, c'était costaud, hein. Hyper violent. Tu habites par là? Tu es allé? Non, mais je connais. Ah, tu connais, ouais. Oui, oui, je sais, oui. J'ai, oui. Pas déplacé, quoi. C'est vraiment. Oui, je sais, ouais. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu et maintenant. Tu peux nous dire un mot sur, du coup, vraiment l'idée du manège à expliquer, oui. Même si on va lire ensuite ça, qui est venue de cette image de ce qui aurait dû être, pour le coup, voilà, une sorte de quartier idéal, et écologiquement, et dans la mixité, et dans les choses mises à disposition du public, et dans les plaisirs qu'on pouvait y trouver, et qui était devenue un peu une image d'apocalypse pendant quelques temps, avec les objets qu'on a placés ensuite. Oui, bah, j'ai un peu mixé. Sur cette image d'apocalypse, pour que ce soit supportable aussi. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que... ces migrants, en effet, qui avaient été expulsés de la chapelle. D'ailleurs, on a recouvert l'endroit d'une bâche, on ne peut pas rentrer. Une partie sont toujours sous le pont de la chapelle. Ils sont restés assez longtemps, ils se sont vraiment installés à Pajol. La police a essayé de les enlever, mais... Et ils sont toujours revenus. Et à un moment, la mairie de Paris, il fallait qu'ils posent déjà des espèces de vigies. Pas vigile, en fait, ça a été les deux finalement. Et en fait, ils ont mis un mobilier, c'était un manège à petits chevaux pour les enfants. Mais derrière, c'était le prétexte à mettre une vigie, qui était un noir de la mairie de Paris, qui surveillait quand est-ce qu'ils arrivent, quand est-ce qu'il y en a un, quand est-ce qu'il y en a deux. Et c'est un manège qui était vraiment un prétexte à refouler toute velléité de retour. Surtout, ça prenait un espace... énorme. Ouais. Le manège lui-même était entouré de grilles. Oui, voilà. Vous verrez sur les images, le manège marchait très peu. Il était complètement grillagé. Et quand ce monsieur venait, mais lui faisait son job, hein, on y a bien compris le truc. Hein. Il est juste là pour tenir le truc. Eh bien, il se faisait pas chier. Il enlevait juste deux morceaux de métal pour dire c'est ouvert. La mairie de Paris peut dire on a mis un manège. Bon, ils ont enlevé ce manège. Alors moi, j'envoie un courrier au maire de 18e. Pour proposer de pérenniser le manège, mais un manège qui fonctionne cette fois-là, et qui est dans cette logique de ce quartier de circulation, bon, du récréatif et de dynamique. Donc un manège vivant et non pas un manège mort. Et ce sera en fait un manège à taille humaine avec un moteur qui va tourner suffisamment vite pour que la force centrifuge expulse toute personne qui veut s'y accrocher. Et donc ce sera un manège à expulser, à projeter ben, tout, hein, gentrifié ou pas, noir, blanc, la paix dans le monde, tout va y passer. Quoi. Voilà. Donc là, je vais envoyer les éléments que vous voyez par terre. Et puis c'est un premier jalon. Voilà. Merci, Jean-François. Super. Alors, quelle heure est-il ? On a 10 minutes. Peut-être que c'est un peu court, cher auditoire, pour faire ton test comme prévu. Ou tu commences et on continue ensuite. Comme il faut qu'il soit à 19 h. Et je ne pense pas qu'il soit à 5 minutes près. Donc s'il y a ok, quelqu'un. Donc on continue avec toi. Très bien. Donc ça se passe là, du coup. Mais on peut. Pour cette liste, quand on en faire. Et puis je me suis rappelé en fait une forme qui m'obsédait un petit peu, qui était donc celle des haut-parleurs. Parce qu'il y a. Je vais regarder les formulaires pour ce soir. Ouais. Ces haut-parleurs-là, en fait, je les avais vus dans un stade, où j'étais à la journée du cheval à l'Oudéac. Et en fait, il y avait ces haut-parleurs qui étaient sur un poteau qui était lui-même en biais et dans le vent. Et en fait, il y avait la voix qui crachotait, qui sortait des haut-parleurs histoire de diriger, de conseiller, d'aller voir les calèches et tout ça. Et en fait, dans le vent, la voix peinait à être autoritaire. Et ça m'a beaucoup amusé. Et en fait, ça m'a rappelé un peu Jacques Tati, qui est le premier réalisateur dont je suis tombée amoureuse quand. Et en fait, Jacques Tati aimait bien se moquer de l'autorité à travers les objets. Et du coup, j'ai eu envie de dessiner ces haut-parleurs, sauf que le problème, en fait, c'est que je fais pas de métal. Enfin, je sais pas trop me servir de mes mains. Enfin, c'est-à-dire que je fais normalement plutôt du son et de l'image, mais pas trop de construction. Et je me suis dit que c'est assez amusant, au final, de combiner le dépassement des injonctions qui sont les miennes, enfin, qui ont été les miennes, c'est-à-dire. Que je sais bien me servir de mes mains et que c'est pas grave et que je peux peut-être être belle, peut-être sourire, peut-être faire autre chose et me dire que non, au final j'allais mettre la main à la pâte, que j'allais y arriver, que j'allais tordre ce métal et en faire un objet qui fonctionne plus ou moins. Donc au final je quitte totalement l'introduction au son Il faut savoir que du coup, au niveau historique, le son a été utilisé et va être utilisé comme arme. Je crois qu'on n'a pas suffisamment le temps, puisque monsieur le vraiment nous en faire un historique, mais dans le fanzine numéro 2, 3, 4, 5 ou autre, il y aura la restitution par couleur de mes recherches. J'y compte bien. Mais je vous enverrai si quelqu'un veut lire le livre ou le PDF. Il y aura donc après, si vous voulez remplir le formulaire de déclaration, les injonctions perçues. On y va. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas à quoi je m'expose. Oui, alors je vais faire une petite introduction à nouveau. Donc on est dans une exposition qui réfléchit à la question de notre monde comme étant un peu catastrophique et voilà, un peu peut-être pessimiste, mais voilà, et comment on pourrait justement envisager de voir autrement les choses par divers moyens, je le disais tout à l'heure, même en allant jusqu'à la science-fiction, voilà, pour essayer d'imaginer un monde entre guillemets meilleur. Ça pose aussi beaucoup notamment des questions environnementales, etc. Donc ça, c'est le cadre de l'exposition. Et moi, j'ai été invitée à organiser un atelier pendant 4 mois sur cette thématique-là, pour lequel j'ai travaillé avec une dizaine de participants, dont la plupart sont ici ce soir, sur des situations de notre vie quotidienne où on était amené à pouvoir améliorer notre environnement quotidien ou pas, et avec quels outils et comment, avec quelles propositions, etc. Et Patricia, qui était l'une des participantes du workshop, a décidé de travailler sur cette question du budget participatif comme étant un moyen précisément fourni, proposé aux citoyens pour peut-être agir sur un environnement qui ne leur convient pas et qui pourrait être amélioré via ce budget participatif. Donc nous, c'est une chose à laquelle on a réfléchi en se demandant qu'est-ce que ça voulait vraiment dire, comment il était communiqué ce budget, est-ce que ça avait du sens, est-ce qu'on était, quel pouvoir ça nous donnait réellement, à quoi ça correspondait en termes financiers, c'était combien, enfin des questions pour lesquelles on n'avait pas forcément les réponses aussi. Patricia a beaucoup travaillé aussi sur quelle était l'histoire de ce budget, d'où ça venait, c'était né où, pourquoi c'est arrivé jusqu'à Paris, comment, enfin voilà. Donc on est encore en état de recherche, c'est aujourd'hui une soirée de restitution, mais de travaux en cours. Donc on vous a invité pour pouvoir poser des questions directement à une personne qui travaille sur ça de très près, ce qui n'est pas notre cas, et poursuivre notre réflexion, nous, sur le sujet, en tirer des conclusions qui seront publiées sous la forme d'un nouveau numéro de cette petite publication qu'on a fait. Voilà, donc c'est, disons, contexte de travail pour nous, plus que d'exposé, présentation. Voilà, donc Patricia a plusieurs questions. Que je te laisse poser. Est-ce pour... que vous voulez vous présenter peut-être d'abord? On se posait la question, est-ce que voilà. Alors, est-ce que je peux prendre un micro? Parce que comme j'ai beaucoup parlé toute la journée, j'ai plus de voix. Bien sûr, ils sont... J'avais pas beaucoup de les voix. Les micros, ce matin, ils sont allumés. Et là, je commence, à moins que vous m'entendiez, si je fais un... Non, on va utiliser le micro, il faut juste l'allumer, c'est ça? En fait, je suis désolée, mais non, parce que... Il marche pas. Non, mais sinon je vais parler. Je vais essayer de parler un peu fort. Ça va vous obliger à être silencieux pour m'écouter. C'est aussi une bonne façon de faire. Ça va. C'est un public absolument. Oui, celui-là marche. Voilà. Voilà. Merci. Donc moi silencieux. Voilà, donc je suis Éric Offredo. Je suis premier adjoint au maire du 13e arrondissement. Je suis chargé de démocratie locale et des finances. Et donc du budget participatif, mais ce n'est pas dans ma délégation, mais c'est des deux autres délégations incluent le budget participatif. Je suis élu à la ville de Paris depuis 2000 ans, donc je peux aussi vous parler, je vais aussi pouvoir vous parler pourquoi on est arrivé au budget participatif cette année, parce que c'est une démarche, enfin cette année en 2014, mais c'est une démarche qu'on a depuis maintenant plus de 10 ans, presque depuis 2001, où on a cette démarche de faire participer les habitants, pas par le biais du budget participatif, mais d'une autre façon. C'est quelque part un aboutissement, donc ça je peux vous en parler. Et j'étais précédemment chargé de tout ce qui concerne la politique de la ville et les affaires sociales dans le 13e arrondissement, voilà. En termes de présentation. Et j'ai une autre casquette, ce qui me permet aussi d'avoir une autre casquette, je suis aussi par ailleurs directeur informatique dans un établissement public territorial, donc je travaille avec des collectivités. Donc j'ai les deux aspects, j'ai l'aspect fonctionnaire et puis j'ai l'aspect élu. Et quand on est élu, on ne travaille pas. Donc, au sens où on ne travaille pas de façon rémunérée, on travaille. Je m'occupe quand j'ai souvent tendance à dire que quand je suis élu, je m'occupe. Et ce n'est pas un vrai travail. Si c'était un travail, j'arrêterais. On ne peut pas faire de travail là. Vous avez une question? Vous voulez que Patricia a préparé des questions. Comme vous voulez, comme si vous désirez. Au budget participatif, on en parle beaucoup. Ça fait maintenant 25 ans qu'on parle de budget participatif, puisque le premier budget participatif, c'était à Porto Alegre. C'était en 89. Maintenant, ça remonte à un peu plus de 25 ans. Ça a permis à toute une génération d'aller faire des séjours très sympathiques au Brésil pour aller voir comment ça se passait. Mais avec peu de traduction en Europe, peu de traduction en France. Parce qu'il y a des expériences qui ont été menées en Allemagne, en Pologne, et quelques-unes dans quelques collectivités en France, mais essentiellement d'ailleurs la plupart du temps dans des communes communistes, plus à titre consultatif qu'autre chose, et donc ça s'est essoufflé au fil des années. Et quand on est arrivé aux affaires en 2001 à Paris, ça a été aussi la volonté de la ville de Paris de travailler avec les habitants sur la question du budget. Le budget de la ville de Paris, pour que vous ayez un ordre d'idée, parce que c'est aussi important, le budget de la ville de Paris, dans cette globalité, si on prend Paris, la ville, le département, c'est un budget de 8 milliards d'euros. Fonctionnement, investissement. Voilà, ça, annuel. Donc c'est une somme assez conséquente et qui se répartit avec des grandes masses qui sont des masses imposées, puisque comme Paris est ville et département, notamment on gère le RSA, donc ça c'est une enveloppe qui est de l'ordre de 400 millions d'euros, donc il y a des enveloppes qui sont des enveloppes comme ça, un peu obligées, légales, qu'on est obligé de verser, mais on s'appelle quand même un budget conséquent qui est à gérer. Gérer le fonctionnement, c'est le rôle des services, c'est le rôle des élus. Gérer l'investissement, puisque c'est de ça qu'il s'agit, puisque quand on parle de budget participatif, on parle des budgets d'investissement, que ce soit à Paris aujourd'hui, que ce soit dans les autres communes ailleurs. Travailler sur le budget de fonctionnement, c'est beaucoup plus compliqué, puisque quand on parle de budget de fonctionnement, ça va être les fluides, par exemple, dans les écoles. C'est des choses qui sont des coûts obligés. Ça ne va pas dire... vous n'avez pas décidé dans un quartier que... parce que vous voulez plus arroser un jardin, du coup, on va... fournir en eau courante l'école primaire à côté, ça n'aurait pas de cohérence. Donc c'est plus compliqué de travailler sur la question du budget de fonctionnement, et on parle bien du budget d'investissement, à Paris comme ailleurs. Et donc à Paris, en 2002, en 2003, il y a eu des opérations de concertation avec les habitants. C'était Christian Sauter à l'époque et Marie-Pierre Lagontry qui portaient ce projet-là. Donc aller voir dans chaque arrondissement, travailler sur les grandes masses du budget. Et c'était surtout une explication de la façon dont allait être dépensé le budget d'investissement et le budget de fonctionnement, mais sans volonté de participer. Puis les choses ont maturé. Il y a eu les conseils de quartier qui se sont mis en place en 2002, et ces conseils de quartier ont disposé d'un budget de fonctionnement de 3 000 euros. Bon, c'est pas beaucoup, hein, mais il y a 160 quartiers à Paris, donc ça fait quand même 480 000 euros. Et puis 8 000 euros en investissement. Mais avec 8 000 euros, vous ne faites pas grand-chose en investissement. Donc ça, très clairement, c'était plus de l'ordre du symbolique qu'autre chose. Et d'ailleurs, les quelques projets qui sont nés des conseils de quartier en termes d'investissement sont des projets symbolique. Ça peut être une petite statue. Quand je dis du symbolique, ça ne veut pas dire que ça n'a aucun intérêt. Hein. Il y a eu des bagageries qui ont été dans deux arrondissements de mémoire. Dans le 13e, il y a eu des aménagements de passages piétons qui ont été faits. Donc, bah, il y a des passages piétons. On a pu faire ça parce qu'en première mandature, on a pu reporter sur plusieurs années. Donc c'était budget de 6 ans, 48 000 euros. On pouvait commencer à contribuer à faire des aménagements. Mais on était sur une petite échelle. La maire de Paris, avant qu'elle soit maire de Paris, dans sa campagne, s'est engagée à mettre une partie du budget d'investissement de la ville à la décision des habitants. Et je dis bien une partie du budget, et je vais revenir sur cette question parce qu'elle est très importante. Je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire avec le budget participatif ? C'est une partie du budget. Donc on a dit 5%. Sur la mandature, il est prévu un plan d'investissement qui est quasiment de 10 milliards d'euros. Donc c'est très simple, 5% de 10 milliards d'euros, c'est 500 millions d'euros sur l'ensemble de la mandature qui sont mis au titre du budget participatif. C'est une somme considérable. Hein, 500, on commence à faire des choses avec 500 millions d'euros. Hein, c'est conséquent. Mais c'est une partie... Je reviens sur ce que vous disiez, c'est une partie du budget de la ville. C'est pas du budget en plus. Donc c'est si on fait des investissements, parce qu'on pourrait avoir tendance, on pose la question aux gens, ben, on va embellir la ville, on va faire, on va rajouter un jardin là, on va faire ceci là. Sauf que dans des investissements, par exemple, je vais revenir à la question des écoles, des crèches, ben, repeindre une crèche ou refaire la sécurité incendie d'une école, c'est essentiel, ça aussi du budget d'investissement. Donc si on disait demain, c'est pour tout de suite évacuer la question de pourquoi 5% et pas 50% ou 60%, ces équipements de sécurité, quand on est un citoyen, on ne sait pas forcément qu'il y a ces équipements de sécurité à entretenir et qui font partie de l'entretien des bâtiments. Donc on est obligé de garder une partie qui est une partie nécessaire de travaux qui sont obligatoires parce que sinon on va avoir un patrimoine qui va, que ce soit un patrimoine bâti ou même de la voirie qui va se dégrader. Donc on est obligé de garder cette enveloppe qui est une enveloppe un peu de travaux de base. Et donc on a mis 5%. 5% qu'on répartit un peu pas de façon régulière sur chacune des années, parce qu'un mandat c'est 6 ans, donc 500 millions sur 6 ans, mais c'est pas un peu moins de 100 millions chaque année, puisqu'on a mis 20 millions la première année, 76 millions la deuxième, donc il nous en reste beaucoup, du coup on a un peu plus, il reste 4 ans, et sur les 4 ans qui restent, il reste à peu près 500 millions. Cette année on met 100 millions d'euros, donc ça veut dire que les 3 années qui restent de mandature, il y aura un peu plus que 100 millions d'euros à chaque fois qui seront mis au titre du budget participatif, puisque l'idée est d'arriver à la somme globale de 500 millions à la fin en 2020. Donc cette année, c'est 100 millions d'euros avec deux types, là je rentre un peu dans la technique, avec deux types de budget, du budget participatif parisien, donc là on est sur des projets parisiens, et des budgets participatifs par arrondissement. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année, donc en 2015, on a voté pour le budget 2016, c'est 3 600 000 euros dans le 13e arrondissement. Cette année, on sera à 6 millions d'euros, donc pas de 3 600 000 à 6 millions. On a déjà une progression très importante. Alors, Ce qui est important, parce que pour répondre à vos questions, là, je suis dans la technique, et ce n'est pas la technique qui vous intéresse, c'est plus comment ça peut apporter une plus-value, quelque chose de différent dans le rapport aux citoyens. Ouais. Et comment, concrètement, comment, par exemple, moi, vous personnellement, vous en saisir. Je peux m'en saisir. Voilà. Le budget participatif, la première année, on va dire que c'était une année à blanc. C'était des projets qui avaient été déposés par les services. Donc il y avait 20 projets, et c'est des projets parisiens, et c'est les parisiens qui ont voté sur ces projets. Certains ont été réalisés dans le 13e, d'autres ailleurs. Mais bon, c'était on va dire qu'on était à même pas à mi-chemin de ce qu'on veut faire en termes de participation. Et depuis l'année dernière, et cette année encore un peu plus, ce sont les idées des parisiens qui se transforment en projets et qui sont réalisées. L'année dernière, on avait une plateforme qui s'appelle budgetparticipatif.paris.fr sur laquelle les Parisiens pouvaient déposer leurs projets. Soit ils portaient sur un arrondissement, soit ils portaient sur deux arrondissements ou plus, et donc ils étaient parisiens. Ces projets, il faut que ce soit des projets d'investissement, sans frais de fonctionnement. Donc ça, c'est des choses importantes. Donc c'est aussi de la pédagogie, expliquer aux gens, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un budget d'investissement. Ah bah oui, on veut une maison des associations, on veut une maison où on puisse faire des activités. Oui, sauf que pour avoir une maison pour faire des activités, il faut du personnel, donc c'est pas, ça ne rentre pas dans le budget participatif. Voilà, c'est aussi ça, le fait d'avoir le budget participatif, au-delà même des projets qu'on peut réaliser, c'est toute la pédagogie qui va avec. Je reviendrai d'ailleurs sur cette question de pédagogie. Donc, des projets... déposés par les Parisiens, soit à titre individuel, soit à titre collectif. Titre collectif, c'est des conseils de quartier ou des associations qui ont déposé des projets. Les services ont étudié, donc ils ont dit ça, c'est des projets pardon, qui peuvent relever du budget participatif ou pas, parce que par exemple, il y a eu quelques projets qui ont été demandés. Il y en a un pas très loin d'ici, il y en a un qui a demandé une personne, je ne sais pas, si un homme ou une femme, qui a demandé la destruction de la grande bibliothèque pour y faire un grand jardin. Malheureusement, ce n'est pas sur du territoire de la ville de Paris, donc ce n'était pas possible. Même si ça avait été sur des territoires de la ville de Paris, je ne suis pas certain qu'il serait passé. Mais voilà. C'était pas réalisable. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été déposés dans les stations de métro. C'est du patrimoine de la RATP, donc on ne rentrait pas dans le cadre du budget participatif. Ça, c'était la première étude qui a été faite par les différents services. Et au final, il y a une commission qui s'est réunie, alors qui représente il y avait des élus, il y a des représentants des services, des représentants de chacun des conseils de quartier, et qui a fait un choix. Alors, par arrondissement, il y a une commission, puis il y a une commission parisienne aussi pour les projets parisiens, pour choisir les projets qui seraient présentés au vote. Mais à partir du moment où les projets étaient jugés comme relevant du budget participatif avec des budgets estimatifs qui rentraient dans l'enveloppe, ils ont tous été présentés. Aucun n'a été exclu par principe. Aucun n'est exclu par principe. Donc on les a tous soumis au vote. Ça, c'était l'année dernière. Cette année, on va un peu plus loin. Donc, on refait le même type de dispositif. On est en plein dedans aujourd'hui. Donc, si vous avez des idées, c'est le moment. C'est le moment, puisque c'est entre le 18 janvier, donc ça a commencé cette semaine jusqu'au 19 février, où vous avez la plateforme sur laquelle vous pouvez déposer des projets. Donc, n'hésitez pas à déposer vos projets. Si vous en avez, je suis sûr que vous fourmillez d'idées. Donc, c'est maintenant. Si vous laissez passer le cap du 19 février, il faut attendre l'année prochaine. Voilà. Pour déposer vos projets. Et on va aller un peu plus loin, puisque l'année dernière, il y avait une étude des services et soumission au vote. Et on s'est rendu compte qu'il manquait cette phase collective. Nous, on a essayé de le faire dans le 13e, on est le seul arrondissement à l'avoir fait, parce que vous voyez bien, c'est pas toujours perceptible quand on regarde comme ça au début le budget participatif. On peut aller à l'inverse de ce qu'on souhaite faire avec le budget participatif. Participatif, ça veut bien dire la participation. Mais si on ouvre une plateforme internet et que chacun dans son coin fait son propre projet et dépose son propre projet, on n'est plus sur de la démocratie participative, mais sur de la démocratie directe. Et on perd ce moment, ce collectif. Il faut déjà des collectifs pour moi, à la voilà, place. Pour moi, alors on peut, c'est pas excluant. Quelqu'un peut, dans son coin, avoir un projet très intéressant et ça et peut être repris par le collectif. Mais globalement, on pourrait avoir un risque à se dire on permet. Voilà, c'est chaque individu qui, dans son coin, va faire son propre projet. On serait sur un budget, pas, j'allais dire individualiste, mais pas loin. C'est-à-dire que chacun pourrait déposer sans avoir cette phase de construction collective, d'échange, de partage, de vivre ensemble, en fait, parce que c'est aussi ça, de vivre ensemble. Il y a plein d'occasions de vivre ensemble. C'est souvent, quand on parle de vivre ensemble, on dit c'est de faire la fête, mais c'est aussi construire ensemble, c'est aussi partager des envies sur son quartier, aussi envie de partager des aménagements sur son quartier. Donc c'est la notion de collectif est importante. Et cette année, on a rajouté, après la phase qui va jusqu'au 19 février, à partir de fin février jusqu'à mi-avril, des phases de co-construction. On va faire des ateliers de co-construction. Alors, il y en aura au niveau parisien, je ne sais pas encore comment ça va se décliner. Au niveau du 13e, je ne sais pas plus. On fera au moins deux réunions sur l'ensemble de l'arrondissement. On n'a pas vu tous les projets, mais peut-être qu'on en fera de façon plus ciblée sur tel ou tel quartier. En invitant les porteurs de projets, en invitant assez largement le quartier, des conseils de quartier concernés, mais largement les quartiers, pour échanger autour des projets qui auront été déposés, pour que ces projets qui peuvent être des projets individuels deviennent collectifs ou ne deviennent pas. Je vais vous prendre un exemple. L'année dernière, il y a une personne qui a proposé un projet. Si vous connaissez le 13e arrondissement, parce que je sais que vous venez peut-être un peu de partout. Oui, voilà. Différents. Mais moi, je ne connais pas 13e, très bien, par voilà, exemple. Dans le 13e arrondissement, on a un grand jardin, qui est le parc de Choisy. On aime, pas un jardin parisien comme il y en a d'autres. Il y a une personne qui a demandé... l'aménagement ne lui plaisait pas, donc elle a demandé à ce que tout l'aménagement change ce jardin, qui a plus de 100 ans. Sauf que personne dans le quartier ne demandait. C'est-à-dire qu'on aurait pu se soumettre au vote avec des gens qui n'habitent pas le quartier, qui auraient pu voter pour ce projet, et refaire un jardin alors que les riverains ne demandaient pas, ne le souhaitaient pas. Non seulement ils ne demandaient pas, mais en plus ils ne souhaitaient pas un réaménagement. Donc ce projet-là n'a pas été retenu. On ne l'avait pas soumis au vote parce que, justement, on a invité la personne à revenir vers les instances de concertation, vers les habitants. Moi, je tiens à cette notion de participatif, et on tient à cette notion de participatif à Paris, et donc à cette construction collective du budget. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et on est pour revenir sur la question de la pédagogie, sur les projets, deux petites choses, et puis après, je pense que ce sera peut-être plus simple d'être dans un échange. Deux petites choses. Vous allez voir, si vous faites circuler dans Paris, on est en pleine campagne, donc on parle de budget participatif, venez déposer vos projets pour le budget 2016. Bon, je trouve que c'est un peu dommage. Dans la pédagogie, là, on travaille, des projets qui sont déposés, ils ne sont pas déposés pour 2016, ils sont déposés pour 2017. Voilà. Et moi, j'aurais souhaité, parce que c'est aussi ça. Aujourd'hui, on construit le budget, non pas de 2016, mais on construit le budget de 2017. Et quand on discute avec les citoyens, moi, je suis élu maintenant depuis 2001, et je vois bien, il y a des fois des incompréhensions. Quand on dit aux gens, ben oui, vous voulez quelque chose, il n'y a pas de souci, on va le faire, mais on n'est pas en capacité de le faire maintenant. On peut le décider maintenant, le budgéter l'année prochaine, il sera réalisé dans un an, dans deux ans, dans trois ans. C'est du temps qui peut sembler très long pour un citoyen qui attend quelque chose, mais qui est du temps incompressible. Là, aujourd'hui, on travaille sur des budgets, sur des projets qui seront réalisés en 2017. Et quand on dit réalisés en 2017, pas forcément en janvier, ils peuvent être réalisés en décembre 2017, donc dans presque deux ans. Et ça, c'est important aussi. Voilà, il y a un temps long, peut-être des fois trop long, mais il est incontournable parce qu'on a des procédures, on peut le regretter, déplorer, c'est pas nous au niveau du 13e qui allons changer, ni même au niveau parisien qui allons changer ça, ça ne dépend pas de nous, mais il y a des processus qui sont des fois longs, et le budget participatif, au-delà même d'offrir la possibilité aux parisiens de prioriser 5% du budget d'investissement, il permet aussi de prendre conscience de toutes c'est de toute cette articulation qui est un peu compliquée. Et ça, c'est important, donc, la construction du citoyen. Et nous, on a des fois du mal à dialoguer avec les citoyens parce que on sait qu'il y a telle ou telle chose qu'on ne pourra pas faire comme ça parce qu'il y a des enjeux, il y a des études à faire en amont, il y a un certain nombre de contraintes. Et on partage pas, on n'a pas toujours toutes les occasions de partager avec les citoyens. Et la participation, c'est aussi ça, c'est de pouvoir partager aussi les difficultés qu'on peut avoir à construire un projet et toute cette phase de projet, ce mode projet qu'on peut faire chacun dans sa vie professionnelle. Je pense que vous travaillez peut-être, vous avez peut-être été amené à travailler en mode projet. Et ben c'est pareil quand on construit des projets. Au niveau d'une municipalité, ben on est un peu en mode projet, donc il y a des plannings, et des plannings qui peuvent être très longs. Hein. Juste un dernier exemple, une école, quand on décide de construire une école à Paris, mais pas à Paris précisément, ailleurs ce serait pareil, quand on décide de construire une école et quand les enfants rentrent, c'est simple, on décide de construire une école élémentaire pour des enfants qui ne sont pas encore nés. Donc en général, les enfants rentrent à l'école à 6-7 ans, et bien, on décide de la construction d'école quand les femmes sont enceintes à peu près. On a à peu près entre 5 et 8 ans pour faire une école. Voilà. C'est un temps qui peut paraître très long. Ce qui pose des difficultés, et je m'arrêterai là après, ce qui pose des difficultés, parce que quand on, notamment avec du public jeune, c'est souvent compliqué, parce que quand on est plus jeune, on est plus dans l'immédiateté. Parce qu'on a du mal à se projeter, et c'est tout à fait normal quand on a 20 ans, on a du mal à se projeter dans 5 ans dans son même quartier. L'horizon, c'est le monde, c'est pas son propre quartier. D'abord parce que souvent on habite chez ses parents ou dans un coloc ou dans quelque chose de provisoire. On ne s'imagine pas forcément 5 ans plus tard dans le même quartier, ou 10 ans, ou 15 ans. Et donc quand on dit, bah oui, ça on va le faire, mais on le fera dans 5 ans. C'est des fois difficile d'avoir ce dialogue-là avec les jeunes, parce qu'effectivement, dire bon, de toute façon, moi, ce sera plus pour moi, éventuellement pour mes petits frères, mes petites sœurs, mais moi, de toute façon, je serai parti quand les choses se réaliseront. Et du coup, on a du mal à les associer à des problèmes. J'ai un peu dérivé. Je réagis immédiatement par rapport à cette question de construction du citoyen et que la difficulté à finalement du coup appréhender l'outil qui nous est offert avec l'objet participatif serait liée à cette technicité qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Bon, voilà, je ne suis en effet pas au courant des temporalités, dans leurs détails, etc. Mais je vis dans le 18e. Voilà, il y a beaucoup de droite, mais bon, il y a beaucoup de communication sur le budget participatif depuis dans le journal qu'on reçoit tous les 2-3 mois, etc. Voilà, et c'est pour le coup, je me projette tout à fait dans ce quartier à long terme. J'aimerais y rester, y vivre. Je suis plus dans une perspective, je sais pas si c'est la perspective des jeunes, mais en plus, en tout cas, je suis pas personnellement. Et donc je me suis intéressée au budget participatif beaucoup quand il y a commencé à avoir toutes les campagnes publicitaires, de communication. Et je suis allée sur le site, etc. Et voilà, les projets qui étaient... Alors c'est peut-être lié à cette question, la temporelle, de premiers projets qui n'étaient pas en fait des projets de Parisiens, mais c'était uniquement des projets d'association. Enfin en fait déjà de... Formaté. Voilà, de structure. J'ai pas envie forcément, je connais les associations de mon quartier, il n'y en a aucune qui me donne spécialement envie de m'y engager. Par ailleurs, je peux avoir des activités collectives ou de rencontres de groupe, ne serait-ce que l'atelier que je mène ici, où avec 10 personnes, j'ai eu des réunions tous les 2-3 mois, des contacts par mail quasi quotidiens, etc. On a des idées, mais on n'est pas une association. Et je ne voyais pas, par exemple... et je trouve aussi que les types de projets... était du coup aussi extrêmement lié à... Enfin, elle ressemblait vraiment à cette vie associative qui avait déjà un certain nombre de... Elle ressemblait aussi beaucoup au programme et au travail que font les associations aussi depuis... pour beaucoup avec la mairie depuis déjà un certain nombre d'années, etc. Et donc, par exemple, je ne me sentais absolument pas concernée après un rapide tour sur le site par ce budget. Immédiatement, c'était quelque chose où... Alors, j'avais eu une sorte d'attrait. Je me dis, finalement, c'est absolument pas pour moi. C'est vraiment, voilà, c'est personnel, c'est une expérience comme ça, chez moi, derrière un ordinateur. Mais bon, c'est vraiment le genre de question aussi que j'avais envie d'aborder ce soir. Je sais pas, des expériences par rapport à ça différentes, mais j'ai vraiment du mal à me projeter dans ce budget participatif par rapport aux idées que j'ai et que ont d'autres personnes, je le sais, enfin voilà. Et comment, au-delà de ces questions techniques, on peut se... Si on n'est pas une association, enfin, j'arrive pas à comprendre. Vous parliez tout à l'heure de collectif, et ouais. Je comprends bien ça, et je suis d'accord avec ça. Mais je trouve que les choix aujourd'hui aussi du collectif, de comment on peut exister en tant que... Alors oui, je sais qu'il y a les conseils de quartier, voilà, il y a aussi un certain nombre de choses dans mon quartier qui existent. Mais pareil, je ne me reconnais pas forcément dans ces choses-là. Donc, c'est pas, voilà, c'est peut-être aussi... comment on peut exister en collectif sans être ni le conseil de quartier ni l'association, par exemple, et... participer à ce budget participatif, hein, est-ce que c'est possible, quelle entité faut être le budget participatif, c'est la participation, oui. Donc c'est à vous de vous en saisir. Moi j'ai tendance à dire la démocratie participative, plus largement que le budget participatif, la démocratie participative, elle appartient aux habitants. Si les habitants ne s'en saisissent pas, ça va être compliqué. Donc nous on peut mettre en tant que municipalité, mais je parle pour Paris, mais ça se passe pas forcément partout pareil. Mais à Paris, on vous donne les outils pour, après, vous en saisissez ou vous en saisissez pas. Ça, c'est moi. Après, on atteint les limites, mais la participation des habitants, on peut pas la décréter, mais on vous donne les outils pour pouvoir vous en saisir. Après, tout collectif est que ce soit une association ou pas une association, un conseil de quartier ou pas un conseil de quartier, peut déposer un projet. Vous êtes avec vos voisins, vous avez envie d'aménager un truc en bas de chez vous, et ben c'est les voisins de l'immeuble machin qui décident de déposer un projet. Ça pose aucun problème. Mais vous pouvez le faire à titre individuel. Puisque vous pouvez le faire à titre individuel, vous pouvez le faire à titre de deux individus ou trois individus. De communauté. Voilà, reste. Donc c'est des collectifs. Mais qui ne sont pas forcément associatifs. Mais qui peuvent être d'ailleurs à géométrie variable. Qui peuvent être sur tel projet, vous êtes avec votre voisine, parce que c'est pour mettre, pour mettre de l'herbe à chat, parce qu'elle a des chats et vous aussi. Et puis sur un autre projet, c'est pour les vélos, mais elle est contre les vélos, donc elle ne vous mettrait pas avec elle. Voilà. Voilà. Mais ça, c'est. Voilà. Et vous pouvez le faire à titre individuel. Ce que je disais tout à l'heure, le projet à titre individuel, s'il n'y avait que des projets à titre individuel, je pense qu'on perd quelque chose dans la démocratie participative, parce qu'on n'a plus cette notion de collectif et de partage et d'échange. Mais il peut y avoir une personne qui, dans son coin, a une idée géniale, on ne demande que ça, des idées géniales. Donc il peut avoir une idée géniale et qui la dépose et qui peut être reprise par d'autres. Bon, sauf qu'elle n'avait pas trouvé de vecteur pour l'échanger. Il y a aussi ça. Il y a des gens qui n'aiment pas le collectif ou qui ne sont pas disponibles ou qui ne sont pas disponibles quand il y a des réunions. Et qui, pour autant, sont intéressés au devenir de leur quartier, ont des idées, ont envie d'aménager des choses. Donc, il n'y a pas de souci. Alors après, effectivement, tous les projets ne sont pas des projets qui donnent forcément envie. Mais je l'ai dit, parce que je l'ai dit au début exprès, c'est 5% du budget de la ville. Donc c'est des choses qui existent. Donc par exemple, on nous a beaucoup reproché d'avoir accepté que certains projets soient, par exemple, la rénovation des sanitaires des écoles. Oui, j'ai vu ce projet-là, qui m'a aussi paru. On en avait discuté avec Patricia. On se demandait justement. On avait discuté des casiers pour les personnes. Mais finalement, non, mais. C'est une façon de prioriser. Voilà, c'est une façon de prioriser. On pourrait dire, on pourrait monter au-delà de 5%. Je pense d'ailleurs qu'un jour, on montera rarement, enfin, à mon avis, difficilement au-dessus de 20%. Mais on peut monter jusqu'à 10, 15, 20%. Mais ça veut dire qu'à un moment donné. C'est une priorisation du budget parisien. Mais le budget parisien, on n'avait pas, quand on dit les 5%, les 500 millions d'euros, ce n'était pas 500 millions qu'on mettait de côté parce qu'on ne savait pas quoi en faire. Si, si on ne met pas au titre du budget participatif, on a des utilités, hein, donc on trouvera. Mais on a eu cette discussion parce que justement, on trouvait assez étonnant qu'il y ait un certain nombre de projets qui nous paraissent totalement anecdotiques. Dans les exemples qu'on a évoqués ce soir, là, l'herbe à chat et les vélos, on peut pourrir, mais la réalité, c'est que c'est un petit peu ça quand même, les projets. Beaucoup. Et ça nous a vraiment paru étonnant qu'alors qu'on avait un outil finalement un peu nouveau et a priori qui pouvait être assez enthousiasmant, les gens proposent de changer un jardin qui existe déjà ou d'encore rajouter des jardinières ou de faire des projets qui étaient vraiment encore plus anecdotiques. Et finalement, on a eu cette discussion sur le projet des sanitaires de l'école qui pouvait paraître un peu farfelu, mais qui... finalement, était peut-être moins anecdotique que d'autres choses, etc. Bah, mais, est-ce qu'on était aussi étonnés qu'il n'y ait pas des projets dans... Enfin, non, on n'était pas étonnés, mais ambitieux. On s'est posé la question. Même pas ambitieux, mais plus... L'ambition, c'est de mieux vivre ensemble. Donc, tout ça, c'est ambitieux. Donc, à partir du moment où chacun se retrouve dans les projets qui sont réalisés... j'étais dans un conseil de quartier hier, soir, et il y a... une association de parents d'élèves qui nous, donc ils discutent avec les conseils de quartier sur les projets qu'ils vont déposer. Il y avait une association de parents d'élèves qui nous présentait son projet pour que le conseil de quartier le reprenne, d'aménager la cour de l'école. Voilà. Et ça sera retenu. Je pense que le conseil de quartier va déposer le projet d'aménager la cour de l'école. On pourrait se dire que ça relève du budget de la ville. D'une école. Ils veulent réaménager. Clairement, on pourrait se dire, pourquoi c'est du ressort de la ville, puisque c'est du patrimoine qui appartient à la ville. Pourquoi la ville ne le fait pas et pourquoi ça passe dans le budget participatif? Très simplement, aujourd'hui, cette cour, elle n'est peut-être pas très jolie, mais elle est en bon état, enfin en état correct. Ce n'était pas une priorité. Si les parents d'élèves souhaitent en faire une priorité, ou si les citoyens, plus largement, souhaitent en faire une priorité, on leur permet de prioriser ça. Mais pour nous, ce n'était pas une priorité. Aujourd'hui, on est plutôt à... Quand on fait des aménagements dans les écoles, c'est plutôt pour des questions de sécurité. Parce qu'il y a des choses qui se dégradent. C'est normal, ça fait partie de l'usure. Donc il faut bien aménager les écoles et au fur et à mesure. Tous les bâtiments publics, d'ailleurs, pas que les écoles. Hein, mais... Et est-ce qu'on pourrait en venir, dans ce cas-là, finalement, est-ce que le participatif pourrait combler des manques du budget de fonctionnement? Est-ce qu'on pourrait pas... La dérive, est-ce qu'elle n'est pas là aussi Du budget d'investissement. Non, du budget d'investissement. Oui. Non, ça reste de l'investissement là. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est est-ce que le budget d'investissement, de priorité, enfin, est-ce que comment dire, est-ce qu'on pourrait pas, est-ce que ça pourrait dériver à justement combler les manques de la mairie? Enfin, vous voyez que ce budget-là serve à combler les manques de ce qui devrait être. Pris en charge par la mairie de manière les évidente. Les toilettes, ça devrait fonctionner. C'est du fonctionnement. C'est pas une priorité. C'est normal. Oui. C'est comme les casiers pour les personnes sans domicile fixe qui ont obtenu un gros budget sur 2015. C'est normal que ces gens-là aient des casiers pour mettre leurs affaires. Enfin, je veux dire, ça devrait même pas. Enfin, cette association n'aurait même pas dû avoir à passer par le budget participatif. Parce que là, c'était intéressant que ça passe par le budget participatif, dans la mesure où c'est quelque chose qui n'existait pas dans le mobilier urbain. Pour le coup, c'était une idée un peu plus nouvelle que les jardins. Nouveau, et deux, une petite précision, c'est que tout ce qui relève de la grande exclusion n'est pas du ressort de la ville, mais de l'État. Ah, d'accord. Donc, en plus, c'était des choses... On a financé déjà des équipements. Il y a un grand centre d'hébergement juste à côté d'ici qui a été rénové en partie par des fonds de la ville de Paris. Sinon, ils ne bouquaient pas leur budget. Mais c'est normalement pas du ressort de la ville, c'est du ressort de l'État, la grande exclusion. Donc, c'était aussi le sens de ce projet-là. Donc, ça pouvait, mais c'est vrai que, par exemple, ça nous donne la possibilité d'expliquer pourquoi on fait ça. Il y a toujours cette pédagogie d'expliquer comment on fait, pourquoi on le fait. Pour revenir. Question. Oui, non, vas-y, parce que je. Oui, oui. Pardon. Répondu, mais... Non, mais c'est bien quand on discute. C'est en effet une question qui se transformera. Il y aura peut-être une suggestion si vous répondez par la négative. Ça rejoint ce que tu disais, mais disons que je m'en fais un peu plus importante encore, en ce qui concerne la capacité de se sentir impliqué ou non par ces budgets participatifs. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je. passe le plus clair de mon temps de vie éveillé dans le 13e arrondissement, mais j'habite à Malakoff, par exemple. Je pense que mon Paris, c'est toujours un petit peu différent des autres villes, mais m'arrêtez si je me trompe, mais la moitié à peu près de votre budget vient de l'État et donc vient de l'impôt aussi. Et est-ce que moi, j'ai la possibilité de, d'une manière ou d'une autre, peut-être sans créer même d'association qui serait domiciliée dans le 13e, de proposer des choses pour le budget participatif du 13e ou de Paris? Il va falloir que vous trouviez un prête-nom. Non, vous n'avez pas le droit. Mais vous pouvez trouver quelqu'un qui habite à Paris et qui pourrait déposer votre projet en son nom. Non, simplement, la règle, parce qu'il faut bien des règles. Il faut des règles pour pouvoir les transgresser. Mais donc, il faut une règle. Et il y a une règle qui est très claire. Il faut être domicilié à Paris pour pouvoir déposer des projets et pour pouvoir voter, sans limite d'âge. Personnellement, je pense qu'il aurait fallu mettre une limite d'âge, ne serait-ce qu'à la limite consciente, parce qu'on peut, à limite, on peut faire voter un môme qu'à 3 ans si on a envie. C'est un peu, il n'y a pas eu d'excès, on a bien vu l'année dernière, ça ne s'est pas produit, mais ça pourrait. On pourrait potentiellement avoir ce cas. Donc il faut habiter Paris, c'est la seule condition. C'est pas la condition d'être électeur, puisqu'on peut être étranger, mais tant qu'on est domicilié à Paris, on peut déposer aussi son projet. C'est le principe a priori des impôts locaux qui est retenu. Donc on paye des impôts locaux, donc on a le droit de participer à l'élaboration de cette liste. Et puis il faut trouver une règle, sinon effectivement, on perdrait aussi cette notion de proximité. L'idée c'est de travailler sur son environnement proche. Donc on peut avoir quelqu'un. C'est un environnement. D'accord, proche. Voilà, mais après c'est compliqué de faire de discernement. Est-ce que la personne vient un peu, beaucoup, pas du tout Paris, c'est une belle ville, donc on pourrait se dire, il y a des touristes qui pourraient venir, dire, mais on voudrait une statue ici, on voudrait ça, au détriment des gens qui habitent là, réellement. Ouais. Non, mais c'est... Oui, oui. Non. Bon, on va peut-être, sauf si vous avez encore des questions, arrêter là pour suivre un peu notre planning et continuer. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on va écouter la pièce sonore de Charlotte Victoire. Et donc, n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 19 février. Voilà. C'est noté. Et si vous savez, si vous habitez le 13e, parce qu'ailleurs ça n'existe pas, mais on a beaucoup de chance dans le 13e, si vous habitez le 13e et que vous ne savez pas comment déposer votre projet, si vous hésitez, il y a des permanences. On met des permanences qui sont en place deux fois par semaine à la mairie jusqu'au 19 vous février, plus dans les centres d'animation et dans les centres sociaux. Donc, merci beaucoup. Pas de rien, c'était un plaisir. Du coup. On se remet comme tout à l'heure hein, pour être. Bien. Ouais, tu nous donnes les. Merci beaucoup. Si vous avez C'est pas un site internet que je vais mettre en place, mais qui n'est pas. Ah oui. Ça dépend, moi c'était la manière dont je oui, bah tu vas y aller dans le local en fait. Ça peut être d'autres inventions, par exemple, en français d'une certaine manière, ou à son but d'une certaine manière, ou à son but d'une certaine manière, c'est pas super, c'est large. Oui, on reste pas dans le livre mieux, quoi. Non, moi ça a été mon angle. Alors avant de vous faire écouter, juste dans le travail de Juliette Beauclet, en fait, elle s'ouvre par une citation de Quignard, de Pascal Quignard, qui dit que de Pascal Quignard qui dit l'oreille n'a pas de paupières. Et je trouve ça beau. Sous-entendu que le son c'est difficile d'y échapper. C'est pour ça que du coup des recherches scientifiques sont vraiment se mettent vraiment en place pour contrôler et diffuser et manipuler par le son. Enfin bref, ça c'est bon, je vais pas lancer dans ce moment. Donc je vais vous faire écouter. Non mais là on a pas de temps. Tu vois, c'est paroles libres ce soir. Écoute des paroles même qui ne sont pas. Mais c'est bien. Merci. Donc c'est la première fois que je le diffuse vraiment, puisque j'ai fait les haut-parleurs là. Je l'ai écouté moi au casque, je l'ai fait écouter à Eva au casque, mais je l'ai donc diffusé en entier pour la première fois là. J'espère que ça va fonctionner, parce que des fois c'est des silences qui ne sont pas forcément exactes. J'espère qu'il n'y a pas d'ingénieur son dans la salle, sinon je vais vous faire huer. Et j'espère que ce sera assez fort. Et... D'accord, je vais mettre play, et par contre je vais me décaler un petit peu, parce que je n'ai pas forcément envie d'être sous vos regards pendant. Parce qu'en fait, c'est... Ouais, je vais me mettre dans le coin, parce que du coup, comme je n'avais pas de comédien sous la main, j'ai enregistré ça chez moi. Le lecteur ne veut pas se foncer. Ce serait pas drôle si le passe pour le moment. Sinon on l'écoutera tous au gaz. J'aime ça, c'était très bien. Silencio. Silencio, per favor. Bah, essaye, mais plus grave. Silencio. Silencio. Bah, non, ça marche pas. Pourtant, je fais de mon mieux. Be quiet, please. Be quiet, please. Elle s'y prête plus. Avec l'allemand, ça irait ? Non, non, non, non. Pas l'allemand. L'allemand, on voit tout et tout une envie. Donc l'anglais. L'anglais, c'est ludique. Oui. Ça me match. C'est good. Il y a le feeling. In detox, we trust. Ah, à l'accent, ça va pas. Bah, tu perds toute crédibilité. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Arrête. Tout doux, tout doux. Arrête. Arrête. Tout doux, tout doux, tout doux. Arrête. Je le fais dans ma langue maternelle. Oui, oui, oui, oui. La maternité, c'est bien. Pour être plus doux. Oui. Avoir par les sentiments. On ne caresse pas les animaux à table. C'est maternel, ça ? Oui, non ? On dit ça aux enfants pour leur bien. Hein ? Comme ? Ne marche pas pieds nus, tu vas être malade. Finis ton assiette. Non, ceci est mon corps. Ah, souris, t'es pas un monstre. Ah, elle est pas mal, celle-là. Elle joue sur un double malaise. Faut souffrir pour être belle. Ah, classique. Souris, t'es pas un monstre. Souriez, vous êtes. Ici, en sécurité, vous serez. Ah, c'est doux, c'est maternel. 19h, risque de pluie. N'ayez pas peur. Pas d'amalgame. Je suis respire. Activez la discussion. Active-toi. Bouge. Bouge. Mangez. Bougez. Bouge. Bouge. Mangez. Bougez. Mange ceci et mon corps. Mange ceci et mon corps. Ouais. C'est bien d'avoir les gens avec la bouche. Ouais. Ou bien tu leur passes de la pommade et de la crème hydratante. Ou le coup de métier. Pour renforcer tes os, renforcer tes os immunitaires, renforcer tes os immunitaires, renforcer ton antivirus, trouver le pouvoir, juste de huit, on peut faire mieux. Ah, tu peux toujours faire mieux. Quand on veut, on peut. Et confiance. Oui, oui. Et confiance. Yes, we can. We can do it. Just do it. Oui, oui. Yes, we can. We can do it. Just do it. Oui, oui. Yes, we can. We can do it. Just do it. Renforcer les défenses immunitaires. J'ai pas dit que ce serait gay. Hein. Je me suis servie dans le buffet. C'est une première fois pour moi, et donc après, si vous avez envie de... Au haut-parleur marche. Ça fonctionne, ça grésillait un petit peu, j'ai entendu. Oui, j'avais droite, mis trop de... Je crois que c'est plutôt l'export de son qui... Enfin, pas bref. Parce que j'ai pas pu faire de message en même temps, je crois. Et tu as dit, c'est bien que ce soit toi qui est... Peut-être là-bas. Ah oui, enfin, ah, moi ça me parle très bien. Comme ça, très intéressant. En fait, c'est mieux que de t'entendre quand tu parles. Je t'ai obligé de faire. Sinon, j'aurais pu brancher directement le micro sur les enceintes. Ah, c'est bien. Voilà. Peut-être que tu en as déjà parlé, mais l'idée, c'est que ça se prolonge aussi avec les... Ouais, bien sûr. Que tu vas coller. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'était, je me suis retrouvée à avoir des injonctions qui me venaient. Et en fait, je ne voulais pas tenir un discours sur les injonctions à partir que des miennes. Parce que ça aurait été tout aussi autoritaire au final de parler de ce phénomène d'injonction en fait par mon filtre à moi. Donc j'invite, mais ça va durer longtemps, hein, je crois que c'est pas fini. J'invite donc ceux qui veulent à pouvoir me remplir ça, me donner ça, de trouver un moyen, me l'envoyer par la poste, enfin, on pourra. Et parce que ça va être nourri et que bah, voilà, là, je pense que je vais les mettre sur. J'aimerais bien les mettre en hauteur. faire un système d'attache, mais c'est assez lourd. Et voilà, ce sera accroché un jour quelque part. Moi, j'aime bien le fait que ça vasille un peu parce qu'on sent la matière. Mais alors, le problème, c'est je crois que ce qui grésille, c'est plus le haut-parleur que le métal. Non, enfin, c'est le son. Non, c'est le. J'ai l'impression que ça fait plus. Ouais. Métal quand même. Je trouve ça intéressant. D'accord. Enfin, j'ai peur que ça fasse. Enfin, je sais pas. Je verrai. C'était pas voulu. On verra ce que ça donnera. La réverb, c'est toi qui l'as mise ou c'est moi qui l'ai. J'ai mis un petit peu de réverb parce que je ne savais pas si ça allait vraiment donner ce côté métallique que je recherchais. Non, mais je veux dire, c'est un peu de la triche, mais après on triche tous un petit peu. Enfin, mais pas la même à gauche et à droite. C'est possible. C'est ça. Bon, ouais, ouais. Qu'au final, ce qu'on entend nous, ouais, sans paupières, ce soit décalé comme voix, mm, elles sont l'une à côté de l'autre, elles s'écoutent, elles se parlent, comme très très proches, mais en même temps, elles sont très différentes comme voix, elles sont. Mm. C'est comme deux personnes, mais on sait que c'est toi qui parles. On sait que c'est une personne, mais deux bouches. C'est drôle parce que j'avais eu du coup un Camille qui est parti mais qui m'avait dit elle qu'il avait écouté la première version au casque, qui m'avait dit que du coup ça l'avait beaucoup oppressé parce que bon après c'était au casque, hein, c'était autre chose et que du coup elle avait un sentiment de vraiment dialogue avec soi-même et je pense, enfin du coup j'avais envie de tester vraiment avec ces haut-parleurs là pour voir si le fait d'avoir cet espace là. Mais haut-parleur on a davantage même parce que physiquement ça fait deux, on est obligé d'avoir deux personnes. Tout à l'heure aussi quand j'ai écouté au casque ça fait vraiment. Ouais. Est-ce que Servan peut peut-être présenter son projet aussi? Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas du tout une maman pour fait, ça. Vrai. Et puis après, on passe. C'est la façon que les gens puissent faire le casting quand ils veulent. Quand ils veulent, ensuite, on va faire ça. C'est très bonne idée. Servan, elle a son espace. Ouais. Là-bas, tu m'en as là-bas? Non, c'est juste que l'espace, c'est là. J'appelle ça casting pour tous. En fait, c'est un travail qui est en cours à propos d'une sculpture qui est près d'un ancien chez moi, en fait, où j'ai été très très longtemps. Il y a eu une époque où il n'y avait pas cette sculpture et c'était assez naturel, c'était un peu le bazar, mais les enfants pouvaient jouer. Il y avait une espèce de cabane en bois qui était censée être pour les enfants aussi, mais finalement il y avait quelqu'un qui habitait dedans. Et je suppose que c'est pour cette raison que tout a été balayé un beau matin et on s'est retrouvé avec une fresque pseudo-exotique, faux douanier Rousseau et des tonnes de béton mélangés avec des pavés de façon à ce que ce soit aussi bosselé et impossible de s'allonger que possible. Il y a une photo de l'endroit. Il y a une photo voilà, que j'ai installée là, comme ça pourrait être ce qui s'est passé. Et on a l'impression qu'il y a eu un béton shortage tout d'un coup et qu'ils se sont dit mince, c'est trop plat, on va pouvoir encore s'allonger. Et ils nous ont mis un énorme ours en mosaïque qui n'a aucun rapport, hein, qui est tout blanc, enfin une espèce de faux, je suppose, Gaudi ou je ne sais pas quoi. Et c'est assez stupéfiant parce qu'on se demande tout de suite si c'est vraiment un artiste qui a fait ça, s'il y a une signature, s'il y a eu un appel à projet, s'il y a eu un budget, si les gens ont vraiment demandé ça, est-ce qu'il y a eu une expulsion, parce que c'est finalement une expulsion déguisée. Et surtout, quel a été le discours autour de ça, s'il y a eu seulement une inauguration. Et comme cette inauguration, je n'ai pas encore trouvé de traces sur cette inauguration, même quand je regarde les conseils de quartier à propos de ça, on parle des jeux de ballon qui rendent la vie insupportable et les gens sont excédés et la vie est invivable à cause des jeux de ballon, on a l'impression qu'il n'y a que ça qui les intéresse. On n'entend pas du tout parler de ce truc, sauf quand on commence à discuter avec les riverains qui ne retiennent qu'une chose, c'est que l'État fait, ou la mairie ou peu importe, fait n'importe quoi avec leur argent en faisant de l'art contemporain. Regardez-moi ces salauds d'artistes qui font des horreurs et c'est censé être de l'art, je suppose, etc. Ce qui est assez génial parce que finalement, ça porte tout de suite un préjudice fatal à l'endroit d'où pourrait venir peut-être une contestation de la façon dont on utilise l'espace public. Et voilà, en jetant le discrédit total sur les artistes hein, qui sont budgétivores en plus d'être mauvais, visiblement. Donc, ils seraient très mauvais. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui était très drôle. je venais du côté du milieu des intermittents, etc. Donc j'avais voulu faire ça sur des petits cartons, c'est pour ça que c'est que sur des cartons, comme l'avait le monsieur qui habitait dans la cabane qui n'existe plus, et le monsieur, je ne sais pas où il est parti. Et du coup, je voulais faire passer un casting pour pouvoir faire cette performance qui sera une inauguration, la fameuse inauguration qui sera assez farcesque, je pense. Sur le lieu même, il faut un maire, un adjoint au maire, des gens qui sont là, à ne rien faire comme ça. Et maintenant, on est rodé pour le... Voilà, on est rodé, on a bien entendu le genre de discours, l'édifiant, etc. On est bon, là. Voilà, et du coup, je vous ai mis dans un chapeau, parce que voilà, c'est un côté... pour voir si vous êtes bon en adjoint au maire. Voilà, on tire dans un chapeau, c'est un peu au hasard, j'ai découpé en petits morceaux le fameux discours du 15e qui n'est obsédé que par les jeux de ballon et sur le fait que la vie est invisible et qu'on est excédé à propos de ça. Et comment faire pour les interdire et comment faire pour obliger les gens à avoir forcément moins de 10 ans et à jouer avec un ballon en mousse sous la surveillance d'un adulte qui serait responsable, etc. Donc je vais vous faire dire un texte et ça ne sera pas filmé. Beaucoup d'endroits on filme, là il se trouve qu'on ne filmera pas. si vous êtes dispo pour faire la performance en vrai, je vais vous faire passer un casting comme on fait pour les figurants. Vous verrez comment se passe un casting figurant, c'est un peu spécial. Quand vous voulez, en fait, pendant qu'il y aura le repas ou un peu après, vous venez me chercher, même si je ne suis pas là, et on fait le casting pour faire connaissance et voir si vous avez éventuellement de participer. Et maintenant, banquier, est-ce que ça joue ? Maintenant, banquier, j'en dis un mot parce que Chloé, donc, comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas là, qui a fait ce travail-là. Et donc, du coup, en fait, ce qu'on va manger, donc, je vous disais, c'est une recette d'un. Siège d'année 1870, siège, et c'est précisément, alors en fait surtout Chloé travaille sur dans la ville un certain nombre de choses vraiment qu'on remarque pas trop, elle travaille beaucoup sur les pigeons par exemple et tout ce que ça peut vouloir dire, ce qui se passe au niveau des pigeons, et elle travaille aussi maintenant sur les boucheries chevalines qui tout simplement disparaissent. Il y en a très peu. Par quoi elles sont remplacées? Donc soit chronologiquement, d'abord elles ont été remplacées par des boucheries ouvrières, puis maintenant par des boucheries halal. Où elles sont situées, etc., etc. Et elle en a tiré toute une sorte d'enquête, d'étude, une histoire sur sur les grands des grands moments alimentaires, les grands interdits alimentaires et à quoi c'est lié. Et donc notamment cette histoire du cheval qui a d'abord été qui va être le cas ce soir, en effet une nourriture comme si aujourd'hui n'ayant plus rien dans Paris on mangeait des rats, donc c'est en temps de guerre, il reste des ânes et des chevaux, très peu de moyens pour les faire cuire, très peu de moyens pour les accommoder, du pané, des légumes pauvres, comment on fait quand même un plat goûteux, c'est ce qu'explique ce livre, des recettes nouvelles, voilà. Et donc petit à petit on va finalement trouver très agréable de manger telle nourriture qui était problématique à manger. Alors aussi les raisons du pourquoi, c'est que à ce moment-là, il y a un rapport à l'animal qui est beaucoup plus l'animal, pour le cheval de ferme, etc., qui est quand même aussi un rapport du coup où ça paraît et aussi même pour la guerre, etc., militaire, où c'est quand même un problème de le manger. Et en fait, le cheval devient vraiment un outil industriel. Et là, on a un rapport totalement différent au cheval qui meurt d'épuisement très jeune, en fait, parce que ça c'est un outil industriel. Et donc là, finalement, il y a des tonnes de viande de cheval qui est jetée, puisque c'est une denrée comme du déchet de pétrole aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc il a fallu aussi faire quelque chose. Et donc là, on a un nouveau mouvement de promotion du manger le cheval, qui est plutôt une résolution du problème de morbidité et de l'angoisse de jeter des tonnes de chevaux très rapidement tous les ans, avec du coup des banquets hypophagiques, une publicité autour du manger du cheval, c'est très bien, c'est bon pour la santé, etc., etc., puisque il y a finalement cet animal qui meurt de la faute quelque part de l'humain dans un cercle de production. Donc c'est assez intéressant. Qu'on envoie mourir. Voilà, qu'on voit mourir aussi, ouais, qu'on envoie mourir, et aussi qu'on voit mourir même devant soi, parce que vraiment le cheval qui tombe d'épuisement, c'est pas une métaphore à ce moment-là. Et du coup, il y a toute cette période aussi des banquets hypophagiques. Alors on n'a pas fait là un banquet hypophagique de cette époque, parce que c'était beaucoup plus compliqué, parce que là pour le coup on cherche à accommoder le cheval de façon plus riche, plus bourgeoise, plus... Donc ça demandait des moyens autres, mais on a fait cette recette de l'époque siège. Et ensuite, pourquoi ça devient un animal aujourd'hui très difficile à nouveau à manger, l'idée suscite un dégoût, etc. Alors, différentes raisons, mais une des pistes et des sujets aussi, des choses sur lesquelles travailler Chloé, c'est moi aussi une question qui m'intéresse beaucoup, on a échangé là-dessus, qui est la question de vraiment le parce que ça rejoint aussi la question du jardin, du petit jardin, du verre à l'échelle d'un mètre carré, etc. Et ces questions d'environnement, comment on perçoit notre environnement, vraiment le grand deuil de l'individu du XXe siècle, hein, qui est réduit à des cellules de plus en plus petites et qui donc... Et qui surtout a un rapport à l'animal qui est tellement distancié qu'il est entré dans des catégories de l'esprit qui ne sont plus du tout celles d'un contact même de travail qui met l'animal mais aujourd'hui voilà, l'animal qui est plutôt dans la catégorie loisir ou famille, quel qu'il soit, hein, et du coup des catégories disons sacrées pour lesquelles ce qui est dedans ne va pas être tué, détruit, mangé, etc. Et donc dans cette cellule actuelle, on a évidemment un rapport au cheval qui à nouveau aussi l'interdit. Plus, pareil, des discours sur le bien-être alimentaire, ce qu'il faut manger, qui, pour d'autres raisons, également liées à ce qu'on nous fait, ce qui est davantage consommé, ce vers quoi on est poussé à aimer, à consommer, etc., qui font que voilà, c'est aussi une viande qui a été totalement évacuée pour ces différentes régions et qui devient vraiment le fait de ne pas manger de cheval, pour le coup, alors en continuant dans ce sublime bourgeois qui a vraiment été le fait d'en manger, parce que ça répondait à une angoisse de la morbidité, ce sublime bourgeois qui se continue et qui vient aujourd'hui un interdit total pour une viande qui dit en fait le fait qu'on a plus ce contact, quel qu'il soit, et que c'est aussi peut-être très triste. Enfin, voilà, on peut l'interpréter différemment, mais c'est ce sur quoi elle travaille avec lui. Il y a le livre de recettes, si vous voulez jeter un coup d'œil, la recette que j'ai suivie aujourd'hui. Donc voilà, j'en ai qu'un exemplaire, mais c'est très vite, c'est quelques pages, c'est pas de recettes... C'est très imprécis, c'est pas une recette comme aujourd'hui. Donc je laisse là. Et vous avez sur le set de table un petit texte que Chloé a écrit comme elle n'était pas là pour aussi présenter elle-même son projet, mais plus brièvement du coup. Et vous pouvez aussi en emmener un si le vôtre est taché tout à l'heure de pot de feu. Voilà. Et du coup, je vais apporter le pot de feu. Et puis on a aussi un buffet plus XXIe siècle, vegan, classique, jus de tomate, bio, c'est quoi selon où on en est chacun avec nos souffrances. Nos... Voilà, il n'y a pas de problème.